Ben voilà, je suis ici le mardi le 7 juillet dans la salle de cinéma de Cinéma Nova qui vient de nouveau s'ouvrir. Donc il y avait l'ouverture la semaine passée, le mercredi soir. Et là, je suis ici avec Philippe de Cinéma Nova qui va nous raconter la suite de la programmation de Cinéma Nova et peut-être aussi expliquer c'est quoi les changements, puis le truc de confinement, fermeture, et maintenant l'ouverture. Ben depuis donc nous on a dû arrêter en plein festival off-screen. On était au milieu du festival quand 13 mars à minuit, il fallait arrêter toute présentation publique jusqu'à nouvel ordre. Cet ordre, le nouvel ordre, est tombé un peu avant le 1er juillet. Donc il y a eu quand même un temps de confinement relativement long. On a pas mal discuté dans l'équipe, donc c'était compliqué. Donc on avait normalement une programmation. On avait déjà publié un premier volet, c'était des textes rédactionnels. Donc on faisait une pause active. Donc heureusement, en fait, pendant le mois d'avril, mai, c'était plus ou moins fermé. Et puis mai-juin, enfin, je crois que c'était imbriqué, on comptait normalement organiser donc des soirées événementielles ponctuelles. Et donc, pause active, c'est simplement, c'était une espèce de rediscussion, remettre un peu à plat notre fonctionnement. Et aussi, on a plein de chantiers en retard, site internet, du chantier vraiment physique dans le Nova. Mais donc, pour finir, le confinement a tout bouleversé. Au début, bon, voilà, on s'est dit, bon, bah, on va essayer de recomposer programmation. Quand il était encore question qu'on allait peut-être ouvrir dès le mois de mai, voire le mois de juin. Et alors on s'est dit, on va pouvoir tout regrouper. Et puis à un moment donné, bon, ce qu'on avait pensé, ben, est tombé à l'eau. Alors du coup, on a très vite, quand on savait qu'on allait ouvrir l'été, donc on avait déjà travaillé sur des questions de lieux précaires pour le plein air. Mais ça aussi, on ne pouvait plus faire exactement ce qu'on voulait, puisqu'il y avait toutes ces consignes de sécurité sanitaire qui ont débarqué. Enfin voilà, donc c'était aussi une autre formule. Donc du coup, on s'est basé sur l'info comme quoi la Fédération Wallonie-Bruxelles, enfin le secteur audiovisuel, allait aider les salles art et essai à bah, attirer des spectateurs. Donc ils allaient faire une campagne. Je ne sais même plus le nom de la campagne, mais nom un peu où on sent que c'est un gars qui vient du marketing, qui a inventé. Je peux pas, j'ai cinéma ou un truc comme ça. Enfin bon, bref, genre de choses qu'on fait pas côté Nova. Enfin, pas, en tout cas, on n'a pas ce genre de blague. Mais toujours est-il que donc ils nous avaient dit qu'ils allaient nous reprendre dans cette campagne, comme tous les cinémas à Bruxelles ou en Wallonie. Donc, je pense qu'ils séparaient aussi les campagnes. Enfin, il y a un site internet. Et puis, donc, on s'est dit, bah, vu que on s'est basé surtout pour les nouveaux films, etc. Bon, ils offraient des places. Nous, on a préféré faire tout gratuit. Et aussi, voilà, d'ouvrir, en fait, au moins une fois par semaine, qui est chaque mercredi. Donc, qui est le mercredi, c'est le jour des sorties cinéma. Et donc, comme ça, on aurait pu être. Voilà, ils auraient pu nous caser dans notre campagne. Or, toujours est-il que, en fait, ils nous ont pas repris sur leur site. Et donc, on était assez surpris, voilà. Bon, après, nous, ça change rien par rapport à ce qu'on programme, etc. Finalement, vu les consignes, le nombre restreint de spectateurs, puisque, voilà, ils demandent une distanciation sociale dans les salles. Donc, en tout cas, pour ce qui est des individus qui sont isolés, après, les gens peuvent venir en groupe jusqu'à 15 personnes. Donc ça, c'était vraiment le 1er juillet. On a eu toutes ces infos. Donc on n'était même pas le jour de l'ouverture. On n'avait même pas encore toutes les infos où c'est tombé, genre 2, 3 jours avant l'ouverture. Voilà, donc on a évalué une jauge. Donc on a une salle de 200 places. On s'est dit, bon, on peut aller avec ces questions de groupe qui peuvent s'asseoir l'un à côté de l'autre. Donc on peut aller jusqu'à 100 personnes, normalement, sans problème. Et donc on a gardé. Donc c'est les mercredis, ça se passe au Nova. Là, je peux déjà dire que ça se passe sera jusqu'au 12 août. Et le week-end, on a une projection. Ça peut tomber un samedi, un dimanche. Je ne pense pas qu'il y aura un vendredi, mais donc une projection à l'extérieur. En tout cas, dans un lieu extérieur du Nova. Ça peut être dans ou à l'extérieur par rapport à ce lieu. Par exemple, le week-end qui vient, on est à la Claque. Et là, c'est une espèce de grand entrepôt. Donc là, on sera en intérieur. Et là, la jauge, c'est 200 personnes, grosso modo. Mais normalement, tous les lieux devraient pouvoir accueillir 200 personnes extérieures. Et donc là, on met petit à petit le programme en ligne parce qu'il n'y a pas de programme papier. On a seulement réalisé un flyer pour quand même un peu rendre, voilà, déjà avoir une trace de cette programmation qui est faite d'une certaine manière dans l'urgence, mais aussi qui est quand même festif, parce que pour nous, c'était la fête de rouvrir le cinéma. C'était très important donc de symboliquement déjà ouvrir dès le 1er juillet, et ça s'est super bien passé. Donc pour la communication, donc les gens, ils peuvent... Donc qui est nova-cinema.org. Et quand vous faites des cinémas dans des autres lieux, est-ce que là c'est aussi un public du lieu qui sera déjà présent, ou est-ce que c'est un mélange alors de public, ou c'est un mélange? C'est un mélange, donc parce que l'idée c'est faire découvrir ces lieux précaires. Tous ne sont pas des lieux précaires, hein. Enfin, je peux les énumérer. Hein. Donc, pour ce qui est des lieux précaires, donc la première date, c'est ce dimanche à la Claque, le 12 juillet, où là, donc c'est le collectif donc de lutte anticarcérale qui sont là depuis quelques temps. Où c'est vraiment une espèce de squat. Ils ont investi ce grand lieu, mais ils ont quand même eu, ils sont protégés d'une expulsion, et il y a eu une entente avec le propriétaire. Donc ce n'est pas d'ailleurs, voilà, nous on était en contact aussi avec le propriétaire, donc ça va bien se passer. Ils ont même une assurance incendie, donc ils ont fait, voilà, tout ça très bien. Et donc ça, c'est le premier lieu. Je dirais après peut-être les films qu'on prévoit. Second lieu à l'extérieur, ce sera la Seine, donc qui est rue de la Seine, donc niveau 88. Pour la Claque, c'est 10 rue des Orchidées à Anderlecht, et donc la Seine, c'est 88 rue de la Seine, dans le centre-ville. Et là, donc c'est là où il y a la compilothèque, où il y a d'autres, il y a aussi des ateliers, menuiserie, réparation de vélo. Enfin bon, c'est assez énorme. En fait, ils avaient un accord d'occupation précaire depuis quelques années, et en fait, ça se finit en septembre. Mi-septembre, c'est fini, et donc c'est une expérience. C'est notamment la Seine, c'est notamment là où il y avait les principaux ateliers pour le carnaval sauvage. Donc ça c'est le 18. Le premier, avant ça, le 22, on sera normalement, on attend les autorisations, mais sur le terrain derrière le Wills, là où il y a le marais. Et donc là, on a prévu déjà une belle programmation. Et le 1er août, on devrait être au magasin 4, mais aussi, enfin, on voulait être sur les berges, mais là, on doit les quitter. Donc, le long du canal, à 22h, c'est blackout. Donc c'est bien dommage, mais donc c'est une collaboration. Ce serait, je parle au conditionnel, parce qu'on attend aussi des autorisations. Enfin, c'est pas encore clair aussi comment, parce que bon, on est obligé de faire des projections dans le magasin 4. Et là, l'équipe est chaud-froid, quoi. Je veux dire, en même temps, le magasin 4, c'est très important. Voilà, on a effectivement, voilà, eux aussi doivent arrêter leur activité. Ils ont un plan B, mais qui n'est pas encore construit, si j'ai bien compris. Voilà, donc ils auront un lieu dans, je sais pas, 2-3 ans, mais pour le moment ils ont pas de lieu. Donc c'est, voilà, et donc pour leurs concerts, etc., c'est pas évident. Donc là, on réfléchit quand même peut-être d'en profiter, comme quoi on est à l'intérieur, peut-être faire des projections, même on a évoqué les projections pendant la journée, voilà, parce qu'il y aura d'autres activités en tout cas sur place qui seraient organisées par Toustand, donc qui est une association qui s'occupe justement de gérer des endroits précaires. Enfin, ils demandent, enfin voilà, transformer des endroits vacants, et pour quelque temps ils se mettent en relation avec des artistes, etc. Et donc là, nous on les connaît bien, et ça rejoint notre thématique, les endroits précaires, et évidemment avec le magasin 4. Et voilà, c'est tout. On aurait voulu le dernier week-end, donc qui était le week-end du 15 août, être dans la rue juste en face du Nova, mais là il y a deux trois jours, ça faisait une deuxième fois qu'on demandait à la suite, et voilà, le dossier a été refusé. Voilà, et donc ils ont proposé qu'on fasse des projections un peu plus loin, devant la cathédrale, etc. Mais c'est pas dans notre c'est pas dans notre façon de faire. Nous, on veut mettre en avant des lieux, des friches où il y a des enjeux urbanistiques, ou alors des lieux précaires où il y a quand même toute une vie sociale, artistique, ou en tout cas, mais qui est effectivement en marge des institutions, mais qui est super importante pour la vie à Bruxelles. Mais pas la cathédrale. Voilà, et donc en face de la cathédrale, c'est pas trop le cas. À côté de la Banque Nationale, c'est bon, quoi. Voilà, et donc finalement, on a décidé donc de terminer par un mercredi, le 12 août. Ici, dans la salle. Voilà. Et donc on a entamé semaine dernière avec un open screen. Il y avait 103 personnes, exactement, c'était super bien passé, le film était vraiment très chouette. Donc là, je rappelle, c'est vraiment les films proposés par les spectateurs qui nous les envoient un peu avant. La seule condition, c'est qu'ils ne dépassent pas 15 minutes. Et là, d'ailleurs, souvent, il y a des films qui dépassent 15 minutes, mais là, on a vraiment tenu, on les a refusés. Peut-être qu'on organisera une séance, mais ça, justement, ça, je ne sais pas encore si ça va se faire, mais dans deux semaines, au Nova, pour un peu rattraper, parce que ces films qui sont un peu plus longs, ils ont été... Donc la condition, c'était ici spécialement qu'ils ont été réalisés pendant le confinement. Puisque la programmation, donc il y a la programmation, on dit plein air, mais c'est pas vraiment plein open air, puisque il y a un mélange où là, le fil conducteur, c'est les lieux précaires, mais les films qu'on va projeter, c'est en général, on essaie que c'est lié au lieu, pas spécialement à l'idée urbanistique, comme on a l'habitude de faire pendant le plein open air. Et... à l'intérieur, on voulait, donc les mercredis, on voulait des projections le plus souvent avec un invité qui est vraiment, qui est une présence humaine, puisque le confinement faisait que ça manquait, etc. Donc, des films plutôt, légers, en tout cas, on ne va pas organiser de débat, mais en tout cas des chouettes films, quoi. Qui donne envie d'aller au cinéma. Et effectivement, c'est des soirées uniques et limitées. Donc, effectivement, on a des consignes, etc. Mais on fait en sorte que ça se passe bien. Donc, l'accueil est très important. Donc, on expérimente nous-mêmes. On n'a jamais autant accueilli les gens. Ils sont vraiment pas guidés jusqu'au siège. Enfin, c'est presque ça. Mais en tout cas, on expose très bien les consignes. Tout le monde est compréhensif. Mais il n'y a pas du tout une atmosphère. On craignait ça, un peu mortifère. Il n'y a aucune obligation de mettre les masques dans la salle tant qu'on respecte le minimum de distance. Parce qu'on aurait pu, en fait, il y a d'autres règles. Parce que nous, donc ça aussi, c'est anecdotique, mais ça montre bien un peu le capharnaüm dans les règles. En fait, on aurait pu jouer sur le fait qu'on est aussi... On n'est pas que tenant de l'audiovisuel, mais on est aussi... on fait partie du réseau éducation permanente. Et là, la consigne, c'est qu'en fait, on peut mettre 200 spectateurs on peut aller jusqu'à 200 spectateurs dans une salle sans distanciation sociale, mais il faut que tout le monde ait le masque. Donc, port obligatoire du masque. Et ça, on n'a pas choisi comme option parce que rester deux heures dans une salle avec un masque, c'est pas terrible, c'est pas très chaleureux, parce que si à un moment donné il y a des discussions, un dialogue avec la salle, voilà, c'est ça va pas, ou ceux qui présentent, etc. Bon, ça, donc on, voilà, on a préféré, voilà, les limites. Mais vu que en général au Nova on a les bonnes soirées, quand on a 100 personnes, pour nous c'est une très bonne soirée. Bon, ça nous arrive de faire des sold-out, ça nous arrive d'avoir 10 spectateurs quand c'est un film en sortie qui passe plusieurs fois, etc. Mais là, donc ça reste, pour nous en tout cas, on peut le gérer. Donc il faut venir à l'heure quand même. Voilà, ouais, c'est ça. En fait, il faut venir une demi-heure avant la séance. Donc en général, là, les séances, ça dépend, séance du 8 qui est home suite, donc de Benoît Lamy, donc film des années 70 où voilà, c'est un homme de vieux qui se révolte. Là, on aura déjà 60 vieux qui vont se déplacer. Donc il y a déjà très peu de place et on commence à 19h pour eux. Donc il faut être là à 18h30. On sent qu'il y a un risque qu'on va devoir refuser des personnes. Donc on ne fait pas de réservation. Ici, on va quand même réserver un minimum parce que les gangs des vieux, voilà, ils se déplacent pour nous. Donc c'est une espèce de collectif de vieux pour qui sont, enfin voilà, qui revendiquent, en gros, ce qui est revendiqué dans le film, je veux dire qu'on nous prenne pas pour des gosses, etc. Et que voilà, le vieillage où on peut encore s'amuser, etc., etc. Donc déjà prendre le nom gang des vieux, c'est, enfin voilà, ça veut tout dire. Et d'ailleurs, un des membres du gang des vieux, c'est Michel Baudour, qui est le chef opérateur du film Home Sweet Home. Donc on projettera en 35 et qui est vraiment une comédie très satirique. Enfin bon, on a projeté en présence de Benoît Lamy quand il était encore vivant, je crois que c'était en 2001 ou 2002 au Nova. Donc ça, depuis lors, on l'a plus projeté. Donc c'est un plaisir. Et donc on a pensé aussi effectivement la programmation les mercredis, quand même en essayant d'avoir un lien avec ce qu'on a vécu avec la pandémie. Donc c'est aussi là c'est un peu aussi la ligne conductrice. Donc je peux évoquer les autres séances et puis peut-être revenir, mais justement les lieux extérieurs, à part là j'ai moins de sûreté dans les films. Par contre les mercredis c'est plus posé, il reste encore des interrogations. Donc c'est le 15 juillet, donc on a Be Kind Rewind de Michel Gondry. Donc là c'est bon, l'histoire c'est deux gars qui fréquentent un vidéoclub et puis il y a un incident qui fait que il y a des cassettes qui sont démagnétisées et donc tout le film c'est en fait ils refont les scènes des films qui ont été effacés et donc c'est assez comique quoi, voilà, et c'est un peu un hommage au cinéma bricolé. Mais c'est Michel Gondry et donc il a quand même, enfin voilà, c'est une comédie de 2008. Et là, on en profite pour en fait donc inviter des personnes pour parler des supports physiques. Donc qui pendant le confinement, on a parlé que de numérique. Enfin voilà, alors voilà, il existe encore des supports physiques et c'est important. Et donc des personnes. Tu parles des cassettes. Hein, des cassettes des VHS jusqu'au DVD qui restent. Enfin voilà. Je veux dire, c'est pas des fichiers, quoi. Fichiers virtuels qu'on s'échange. Et donc là, on a NGHE Médiathèque. Donc eux, ils ont une collection incroyable de cassettes audio, entre autres, mais aussi de disques de vinyle improbables, etc. Ils sont ouverts tous les samedis. Donc c'est un collectif qui sont à Molenbeek. J'ai pas l'adresse exacte. Ouais, parce que ça aussi, hein, ça a été un peu en péril à un certain moment, la médiathèque aussi. Comité des usagers de la médiathèque qui a été créée l'année passée, en 2019, quand il était question de virer tous les médias, toutes les médiathèques en Belgique, donc des points culture. Finalement, heureusement, il y a une nouvelle ministre qui a écouté. Donc ça s'est passé avant les élections. Et puis, il y a eu les élections. Et là, il y a eu une demande directe de rencontre d'urgence parce qu'il y avait déjà, je crois, une des médiathèques démantelées. Et l'idée du gouvernement précédent, mais pour dire complètement complètement stupide. Donc c'était, on va garder un média pour toute la Belgique, de chaque média. Mais enfin, c'est délirant. Et alors surtout, c'est genre, et la consigne, c'est qu'on ne rachète pas des médias. Donc si le média, il se foutait en l'air, évidemment, il va vite se foutre en l'air, puisque c'est loué, donc il peut y avoir des griffes, un DVD griffé, bah, il est capoute, quoi. Et ben là, c'était, non, on ne rachète pas. Donc c'était vraiment une politique, c'est table rase, et on va que dans le virtuel, mais donc c'est complètement aberrant, et il y a plein, et justement, on aura les invités qui seront là pour expliquer pourquoi c'est important, ces supports physiques. Et le troisième invité, c'est Video Express, donc qui est un des derniers vidéoclubs là qui se trouve à Saint-Gilles, chaussée de Waterloo. Ouais. Voilà, donc on aura une discussion après le film de Gondry. Donc ça, c'est le 15 juillet. On aura le 10, je m'en mêle les pinceaux, c'est le 29 juillet. Là, on va avoir une collaboration avec le Festival en Ville du Petit Ciné, où voilà, c'est un nouveau festival où il y a même elle a créé un prix. C'est assez large, il n'y a pas vraiment, les thématiques sont assez, ça concerne la ville, voilà, ça doit concerner la ville, mais pas spécialement au point de vue urbanistique, urbain, ça peut être voilà, la vie d'un quartier. Et là, on a dit OK pour un film qu'il nous a proposé qui s'appelle My Darling Supermarket, donc qui se passe dans un supermarché. Enfin voilà, on a une série de portraits de personnages, donc de gens qui travaillent dans ce supermarché. Et c'est un premier film brésilien. Je connais pas le nom des réalisateurs parce que ils sont, enfin j'avais dit c'est un peu imprononçable. Donc ce sera l'occasion simplement d'évoquer. C'est un clin d'œil. Bon bah. Tous ces supermarchés qui ont ouvert pendant le confinement. Et là, on ne sait pas encore, ce sera sans doute sous forme de double bill, parce qu'on n'a pas, pour le moment, on n'a pas trouvé d'invité qui pourrait notamment nous parler peut-être de la condition des travailleurs, ou alors on pourrait évidemment, voilà, si on avait un autre film comparé avec les trucs de proximité, enfin les magasins de proximité, etc., qui sont moins sur les gros rayons. Là, c'est bon, de nouveau, je pense que on veut que ça reste assez léger. Donc, on va peut-être aller sur un film de genre. Il y a un film qui serait lié aussi à un certain virus, mais j'en dis pas plus. Donc, c'est deux films dans une soirée. Là. Voilà, et donc c'est un double bill, hein, comme on dit. Donc, c'est une séance gratuite, mais en fait, ça, j'ai oublié de dire. Donc, les personnes qui viennent au Nova, en fait, elles sont, si elles viennent au début, elles sont prioritaires. Donc, si elles restent toute la soirée, elles restent toute la soirée. On ne va pas demander, à la fin de la première séance, maintenant, vous devez partir et voir le film de la seconde séance. En général, il n'y a pas deux séances, mais peut-être que là, justement, on pense peut-être qu'une ou deux fois, il y aura une espèce de double bill. Et idem pour les soirées qui se passent à l'extérieur. Là, on demande des gens de venir aussi une demi-heure avant première séance, mais la séance, ça peut être... Enfin, en fait, on ouvre à 19h, donc on demande aux gens de venir à 18h30, le temps de faire la queue. Mais en cours de route, le film, en général, il est programmé vers 21h30. Mais normalement, il y a un concert avant, il peut y avoir des petites activités, etc. Voilà, donc s'il y a encore de la place à 22h et que le film n'a pas encore commencé, oui, on fera rentrer les gens, mais à un moment donné, voilà, on sera obligé de compter les 200 personnes. C'est vrai que c'est 200 personnes assises devant un truc. Donc, ceux qui travaillent, il y en a qui, ben, eux, ils ne sont pas assis normalement à regarder la projection. Au Nova, là, c'est 100 personnes effectivement assises dans la salle et on ne compte pas les bénévoles du soir, bien entendu. Ensuite, il y a le 5 août où là, ce sera un micro-evening autour de la fanzinothèque, la petite fanzinothèque où la base est au ciné-bunker à Saint-Jos. On fait une soirée spéciale, le petit pangolin illustré. Donc, c'est en fait, ils ont réalisé dès le début du confinement un fanzine qu'ils envoyaient par poste et qui existe toujours. Hein, donc, ça s'est transformé. Là, c'était une fois par semaine. Et ils en sont au 10e numéro. Mais le dernier numéro, maintenant, ça devient un mensuel. Mais donc, ils continuent. Et donc, c'est plein de dessinateurs. Et bon, c'est un peu satirique. Bon, vu le nom, c'est clair que. On Voilà. rigole. Mais c'est vrai que c'est centré sur la pandémie, quoi. Voilà. Et donc, là, on n'est pas encore trop sûr du déroulement de la soirée. Une chose qui est sûre, c'est qu'il y aura une espèce de petite conférence gesticulée proposée par Patrice Bodinet, qui est un des fondateurs de ce petit pangolin, enfin, et qui gère aussi la Fanzinothèque et le Cinébunker. Hein, donc il est aussi producteur de films, et réalisateur, et il fait parfois des projections ou des soirées dans son lieu, donc qui est en face de la CAPAC. Et d'ailleurs, il a actuellement un petit festival de fanzine qui va jusque dimanche prochain. Voilà. Où là, donc c'est des gens qui sont à la table, des dessinateurs quoi, de fanzine. Et donc c'est de 14h à 20h. Comme ça, je fais de la pub pour eux puisque donc eux, ils viendront le 5 et on n'a pas encore exactement, mais il y aura voilà des petits films et donc cette fameuse conférence gesticulée qui en fait c'est comment publier un fanzine en temps de pandémie. Donc ils Voilà. viennent ici au Cinéma Nova. Voilà, Oui. oui. Et donc, voilà, donc ce sera assez léger, mais un peu subversif aussi, j'imagine. Mais on est en train de discuter du contenu. Et le dernier mercredi, donc là, il y aura, entre ces deux mercredis, normalement, il n'y aura pas de lieu extérieur, parce que on s'est dit 4 lieux maximum, c'est bien, parce que bon, c'est quand même pas mal de boulot de sortir du matos, etc., du Nova, et revenir le jour même. Bref. Le dernier mercredi, le 12, ce sera une soirée. Le titre de la soirée risque de changer, mais dans l'idée Black Power. Et donc, c'est un peu rebondir sur les événements avec voilà, les manifs contre le racisme, etc. Et ben, ce qui s'est passé aux États-Unis. Et là, en tout cas, il y a un film qui est assez génial et normalement, c'est confirmé. C'est Right On. Donc, avec en fait, c'est donc film de 1971 avec les Last Poets, qui est un groupe donc new-yorkais qui était un peu dans comment dire qui font du spoken words et donc c'est un peu les précurseurs du rap hip-hop, mais sauf que là bon c'est vraiment très politique. Là ils invectivent leur propre enfin toute la propre communauté en disant voilà bon enfin ils parlent de manière c'est assez fascinant, mais c'est pas évident à suivre voilà dans du spoken word comme ça en direct. Donc c'est un film d'un peu plus d'une heure. Mais là, on a décidé, on va le sous-titrer, donc le traduire en français. Donc, ils sont sur un toit de New York et donc on a droit à 28 chansons et c'est entrecoupé sur des plans de New York, etc. Donc, c'est réalisé par un certain Herbert Danska. Et là, on ne sait pas encore, il y aura peut-être un petit documentaire qu'on a trouvé qui s'appelle I'm Somebody, qui est vraiment super beau, où là, ce sera aussi un clin d'œil par rapport aux infirmières, mais là, c'est des infirmières noires, je crois que c'est début aussi des années 70, ou étudiantes qui voulaient rentrer. Enfin bon, il y a eu plein de manifestations, donc et on suit ces jeunes infirmières dans leur combat qu'elles gagnent à la fin, je peux spoiler. Et c'est vraiment touchant parce que c'est un petit film 16 mm qui est très beau à regarder, par contre, qui n'est pas sous-titré, mais on comprend très vite de quoi il s'agit. Et donc peut-être il y aura ça et peut-être et ça on ne sait pas encore, peut-être un live avec du slam, mais ça on doit voir si les gens sont disponibles. On pensait à une petite conférence, ça va sans doute pas se faire. Et il reste aussi peut-être en dernière voilà si jamais on parvient pas à coordonner les agendas, ce serait un film genre plus léger, Black Exploitation, mais bon, pas plus. On a trouvé un petit film qui tomberait à pic. Voilà, les lieux extérieurs, là, bon, il y a des films où, voilà, on sait des... Peut-être on peut juste parler de la première, parce que maintenant, le prochain, ouais. C'est le 12 juillet à la FLAC. Voilà, ouais. Et donc, eh bien là, il y aura d'abord, bon, pas tout de suite le film, il n'y a pas de concert prévu, mais par contre, il y a un atelier affiche, il y a un je pense, c'est donné par Titum. Il y aura des témoignages audio, prisonniers, il y aura une expo, il y aura une table d'hôtes. En général, pas les mercredis, mais à l'extérieur, les gens qui nous accueillent voilà, proposent une table d'hôtes, normalement végétarienne. Et c'est aussi eux qui vont faire le bar, voilà, donc, parce qu'en général, c'est des collectifs qui investissent des bâtiments. Et donc, voilà, là, on a demandé voilà, si ça leur dirait. Parce que nous aussi, ça nous soulage, on ne va pas déplacer tout un bar. Et c'est tout bénef pour eux, tant mieux. Et là, donc, le film, finalement, c'est eux qui l'ont proposé. On avait pensé plutôt un documentaire, voilà, des choses qu'on avait déjà montrées au Nova. Et ils nous ont proposé, et on était assez étonnés. Et puis, on s'est dit, bah oui, pourquoi pas. Donc, c'est César doit mourir des frères Taviani. Donc, frères Taviani, donc, réalisateurs italiens qui font des films depuis les années 70. Donc, et qui apparemment sont toujours productifs. Et enfin là, c'est un film de 2012, mais qui est bon. Moi, je l'ai pas vu, mais donc c'est des prisonniers dans une prison romaine qui reprennent une pièce de Shakespeare, Jules César. Et en fait, on va un va-et-vient. Donc, mais les réalisateurs c'est des réalisateurs qui ont vraiment de la bouteille, qui viennent plutôt de la fiction. Mais voilà, c'est pas du théâtre filmé, c'est pas un documentaire à proprement parler. Des prisonniers qui font du théâtre. Donc il y a un mélange de tout ça. En même temps, cette pièce, je ne sais pas le nom du metteur en scène, enfin, celui qui a créé l'atelier, etc. Mais ce qui est très beau aussi, c'est que chaque personnage parle avec son propre dialecte. Donc ça aussi, il y a quelque chose de l'ordre de la liberté, etc. Enfin, d'une richesse. Humaine qui, malgré un sujet, c'est du Shakespeare, hein, donc ça, voilà, il y a quand même un texte très fort derrière. Et voilà, et donc c'est un film qui est pas très long, c'est 1h15, je pense, et voilà, qui était sorti sur les écrans belges, mais ils en ont sans doute à peine parlé dans les médias, puisque voilà, ça. C'est plutôt documentaire, enfin, quoique là, on pourrait dire un essai documentaire, parce qu'on ne peut pas dire que c'est un docufiction, ça je ne crois pas. Mais surtout, voilà, ce n'est pas un film grand spectacle, même si les prisonniers ont donné le spectacle. Voilà, donc on est très content de projeter ce film. Et on a un très beau film qui s'appelle Here for Life, où là, ce serait normalement au Wills, si on a l'autorisation, donc ça c'est en cours. Mais sinon, on le proposera ailleurs s'il faut, parce que c'est vraiment un très chouette film. Et au pire, au Nova, à la rentrée, je ne sais pas. Donc, qui est là, c'est des personnes qui ont investi un espace qui est un peu comme au Wills, où il y a un train, etc. Bon, après, il n'y a pas de rapport avec la nature, le marais, etc. Enfin, c'est cette zone. Un documentaire avec pas mal des points d'humour comme ça, où c'est vraiment un portrait de personnage atypique dans la précarité, mais en même temps, il y a... Voilà, c'est un très beau film, je crois. J'ai pas envie de dire de conneries, en tout cas. C'est fait par une réalisatrice, certaine Andrea Luca Zimmermann, je pense. Mais par contre, je sais plus de quel pays. Enfin, c'est pas moi qui l'ai programmé. Ce film, et j'ai vu que le début... Ça, c'est pour dire la cuisine interne, c'est qu'on se partage un peu. Moi, j'ai essayé de regarder ce que je pouvais. Et voilà, et les autres films à l'extérieur, bon, par exemple, La Seine, malheureusement, j'ai pas encore... ça, c'est en discussion, quoi. Il y a deux, trois films et c'est compliqué. Surtout que pour le moment, les gens de La Seine sont en vacances, donc c'est compliqué. Ils reviennent que lundi prochain, donc c'est tout ça. Et voilà. Mais c'est... Ça fait surprise, partie, ouais, voilà. C'est ça. Il faut aller voir sur le site, ce sera de toute façon mis en ligne. Donc sur le site, il faut cliquer sur dans le programme au-dessus, et dans programme, donc il y a l'intro, et à droite il y a une colonne, c'est il y a indoor, outdoor, voilà. Et donc indoor, c'est tous les mercredis. Il y a aussi même chose en néerlandais. Voilà. Et pour les consignes, donc c'est vraiment venir une demi-heure avant la séance, bien regarder les heures. Priorité aussi au bar, au Nova. Donc les gens qui viennent seulement pour boire un verre, non, on n'accepte pas malheureusement, parce que le bar c'est encore plus contraignant, parce que là oui, ça fait partie. Je vous le demandais tantôt, mais donc. Voilà, mais le bar il est ouvert et vu que ce qui est chouette c'est qu'on peut boire son verre dans la salle, donc ça nous permet, c'est une certaine souplesse. Et en tout cas pour le moment, on est content, donc c'est jusqu'au 12 août. Après on prépare déjà la rentrée, donc on croise les doigts évidemment qu'il n'y ait pas de second confinement. On verra bien, mais donc la rentrée, je peux déjà le dire, la thématique sera sur la folie, la normalité. On questionne entre folie et normalité, qu'est-ce qui est fou, qu'est-ce qui est normal. Mais c'est évidemment dans la folie proprement dit, au point de vue psychiatrique aussi, quand même. Et là, c'est une programmation très riche que nous a fait toute un sous-groupe, disons, avec aussi des personnes extérieures. Et j'ai vu il y a beaucoup de choses, beaucoup d'invités, etc. Donc ça va être bien. Et on a un petit film en sortie qui s'appelle La Cravate, qui est un documentaire très atypique et qui a pour thème l'extrême droite. Je peux pas plus en parler que ça, mais en tout cas, il y aura moyen de le voir puisqu'il sera projeté une dizaine de fois, et plus des rendez-vous ponctuels. J'imagine il y aura l'un ou l'autre concert, open screen. Retour à la normale. Non. Ici c'est jamais normal. Puisque tous les deux mois on change de programmation, de thème. Mais je veux dire, c'est de nouveau le programme full, quoi. Exactement. Et donc là, il y aura un programme papier donc qui sera disponible normalement fin du mois d'août. Et on commence vers le 9 ou le 10 septembre, je ne sais plus. Ce sera soit un mercredi ou jeudi habituellement, puisque normalement le Nova, il est ouvert du jeudi au dimanche, sauf cet été, tous les mercredis jusqu'au 12 août, et ses projections ponctuelles à l'extérieur. Super, c'est super riche, ça donne vraiment envie.